dans la forêt amazonienne aux confins de l'Équateur et du Pérou. On les appelle jivaros, eux préfèrent se dénommer achuar, ce qui signifie les gens du palmier d'eau. Lorsque l'anthropologue Philippe Descola décide d'aller à leur rencontre, accompagné de son épouse, à la fin des années 1970, on sait peu de choses de ces hommes et de ces femmes. Certains les surnomment même les réducteurs de tête. C'est surtout cette appellation qui est réductrice. Pendant 3 années, Philippe Descola a vécu avec les achuars dans la forêt amazonienne. Une longue enquête ethnographique qu'il raconte dans un ouvrage intitulé « Les lances du crépuscule » aux éditions Terre Humaine. Après ce voyage fondateur, toute sa vie l'anthropologue s'est intéressé aux rapports qu'entretiennent les humains avec leur environnement, les animaux et les plantes. Les théories qu'il a développées ont marqué sa discipline et lui ont valu la médaille d'or du CNRS. Cet après-midi, Philippe Descola vient nous raconter les 3 années qu'il a passées avec les achuars en forêt amazonienne et la façon dont ce travail de terrain a nourri sa réflexion. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Je suis très heureux, naturellement, d'avoir fait du terrain. Et je l'ai beaucoup aimé, essentiellement pour le côté aventureux de l'entreprise. Et je ne conçois pas qu'on puisse être ethnologue si on n'a pas une expérience du terrain. Bonjour Philippe Descola. Bonjour. Nous venons d'entendre la voix de Claude Lévi-Strauss. Vous l'avez reconnu, évidemment, cet anthropologue qui a marqué l'histoire de sa discipline. Vous l'avez connu, il vous a mis le pied à l'étrier, vous avez même effectué votre thèse sous sa direction. Vous êtes d'accord avec lui sur il faut avoir l'esprit d'aventure, le goût aventureux pour se lancer dans l'ethnographie? Oh, je pense que c'est difficile de nier qu'au départ, il n'y ait pas le goût. Si ce n'est de l'aventure pour l'aventure, en tout cas du plaisir d'être surpris, d'aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans des langues qui parfois sont difficiles à apprendre, et au fond d'essayer de se, avec humilité, de se glisser dans la vie des gens. Mmh. Et c'est ça l'aventure au fond, plus que traverser la jungle à grands coups de machette ou de se battre avec des anacondas. C'est peut-être ce qui avait fait dire à Claude Lévi-Strauss dans son célèbre ouvrage Triste Tropique, cette phrase qui a marqué tous les esprits: je hais les voyages et les explorateurs. C'est peut-être ça qui... Oui, bien sûr, ça lui a été fort reproché, à commencer par la grande figure de l'américanisme à l'époque, qui était Paul Rivet, qui était le directeur du Musée de l'Homme et qui lui a fermé sa porte après, parce qu'il voyait ça comme une condamnation d'ethnographie, alors que rien n'est plus injuste au fond, puisque Lévi-Strauss est un grand ethnographe. On vient de découvrir cela à l'occasion du travail qu'on est en train de mener sur les notes de terrain qu'il a entrepris chez les Nambikwara. Mmh. Il y a des milliers de pages de notes pour 4 mois de terrain. C'est donc quelqu'un qui était très très fasciné par le terrain. Et le terrain, c'est ce qui, au fond, provoque les questions que l'on se pose par la suite. C'est l'ébranlement que l'on subit dans ses certitudes face à des réalités très très différentes de celles auxquelles on est accoutumé, qui vous incite à poser des questions que peut-être on n'aurait pas songé à se poser si on n'avait pas eu l'expérience du terrain. On verra dans cette émission, effectivement, les questions qu'on soulevait, la rencontre que vous avez faite avec les Indiens achuars. Mais d'abord, la première rencontre, c'est celle avec Claude Lévi-Strauss, justement. Vous vous souvenez de ce moment, vous avez à peine 25 ans, même un peu moins, et vous allez à la rencontre de ce monsieur qui est déjà un grand ponte de sa discipline. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Vous vous souvenez de ce moment-là? Ah, tout à fait, j'étais complètement terrorisé, bien sûr. À l'époque, non seulement Claude Lévi-Strauss était est toujours une grande figure de l'anthropologie, mais c'était aussi la personne qui était spécialisé dans les Indiens des basses terres d'Amérique du Sud. Et lorsqu'on voulait faire une thèse, c'était évidemment vers lui qu'il fallait se tourner. Cela dit, il avait déjà plus de 65 ans et c'était une personnalité connue dans le monde entier et bien sûr en France. Et j'étais dans mes petits souliers. Et il m'a reçu fort aimablement et je lui expliquais ce que je voulais faire. et il a accepté de diriger ma thèse. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est de ma dernière visite avant de partir sur le terrain. Je lui ai expliqué longuement ce que je voulais faire. Je m'étais bien préparé, j'avais énormément lu sur l'Amazonie, j'avais déjà été, non pas chez les Atchouars, mais à proximité pour repérer l'endroit où j'allais mener mon terrain. Et j'avais donc des tas de projets, d'enquêtes très particuliers sur des domaines que je voulais explorer. Et à la fin, il m'a dit « laissez-vous porter par le terrain ». Et au fond, c'est la meilleure leçon que j'ai reçue, puisque c'est le terrain qui commande tout, c'est le terrain qui commande l'enquête, c'est les circonstances quelquefois accidentelles dans lesquelles on se trouve, qui vont dégager des questions. C'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on observe, et parce que les circonstances s'y prêtent, on aurait très bien pu passer à côté. Et c'est au fond ça qui est absolument fondamental, et c'est la leçon que je n'ai cessé de transmettre moi-même à mes étudiants. Oui, alors, il fallait laisser advenir ce qui devait advenir, mais tout de même, vous avez choisi ce terrain-là, d'aller à la rencontre des Atchouars, ce peuple-là, dont on savait très peu de choses hein, à la fin des années 70, quand vous décidez d'y aller. Pourquoi eux ? Alors, j'ai découvert que, alors que je pensais qu'on connaissait beaucoup de choses sur les Jivaros, puisque c'est le nom qu'on leur donnait à l'époque, c'est-à-dire c'est un ensemble de populations qui comporte plusieurs tribus et qui sont, à l'échelle de l'Amazonie, des extrêmement nombreux. Ils étaient plus de 100 000 personnes, ils sont plus nombreux encore maintenant, plus de 100 000 personnes, ce qui est considérable, parce que les groupes ethniques en Amazonie, quelquefois, ne dépassent pas quelques centaines de personnes. Et étant donné le caractère notoire de la pratique de la réduction des têtes, je pensais qu'on savait tout sur eux. Et en réalité, en me penchant un peu sur la littérature ethnographique, je me suis aperçu qu'il y avait certes des ethnographies, mais pas de très grande qualité, et qu'en outre, l'un des groupes ethniques, l'une des tribus, si vous voulez, des Jivaros, qu'on appelait les Atchouars, n'avait jamais reçu l'attention d'un ethnologue. Et c'est ça qui nous a décidé, ma femme et moi, à y aller. Oui. Et pourquoi eux en particulier ? Parce que moi, je m'intéressais au rapport entre les sociétés et leur environnement, d'une manière générale, ce qui n'était pas un sujet très développé à l'époque. Et j'avais pour cela pensé que le mieux serait d'aller dans une société qui n'avait pas été trop transformée par le monde marchand, par les pseudopodes du capitalisme, où il n'y avait pas de travail salarié, où l'argent n'avait pas cours, où les outils étaient de facture traditionnelle, etc., etc. C'est-à-dire que les Atchouars n'avaient reçu la visite de très peu d'occidentaux, de quasiment personne avant vous. Oui, très peu, parce que ils avaient conservé leur bellicisme notoire, disons, ouais. Et qui n'encourageait pas les visites. Mais comme les ethnologues ne sont pas des fous furieux ni des martyrs, enfin, on n'a pas de vocation en martyr, et que par conséquent, les gens qui ne souhaitent pas recevoir de visites, on ne va pas les embêter. Nous avons décidé d'aller chez eux parce que nous avons appris que des missionnaires, et catholiques et évangélistes, avaient commencé à les contacter à la périphérie du groupe. Et donc, nous sommes arrivés dans un premier village, à pied, avec des guides d'une ethnie voisine, après deux jours de marche, parce que nous savions que dans ce village, des missionnaires évangélistes venaient à l'occasion. Vous avez, là encore, ce souvenir de la première rencontre avec le premier membre de la tribu Atchouar ? Ah, tout à fait, oui, nous sommes arrivés à peu près à la tombée du jour, en tout cas vers 5h de l'après-midi, on est sous l'équateur, donc il fait nuit à 6h30. C'était dans un hameau, et il y avait là des hommes qui discutaient dans une maison. Ils ont été un peu surpris de nous voir. Et un jeune homme qui parlait quelques mots d'espagnol, c'était le seul dans ce hameau, nous a demandé ce qu'on venait faire. Et on a expliqué qu'on venait, et c'était la chose la plus simple à dire, qu'on venait étudier la langue. Et je pense qu'il a dû comprendre qu'on était des missionnaires d'une variété nouvelle qu'il n'avait pas encore vue. Et à notre grande surprise, ils ont accepté de nous recevoir. Mais ce qui nous a un peu inquiété, c'est que les deux guides de l'ethnie voisine qui nous avaient été recommandés par les petits postes militaires dont nous étions partis à pied, nous ont dit « Ah ben nous, on repart tout de suite parce qu'on ne passe pas la nuit dans un village Atchouar ». Vous dites ça avec un sourire, hein, mais vous aviez des appréhensions quand même, vous disiez Où est-ce qu'on va mettre les pieds ? Alors, c'est là que la question que vous posez sur l'aventure, encore une fois, je l'ai dit, ça serait ne pas respecter la vérité. Qu'il n'y a pas un élément, évidemment, d'excitation dans ce genre d'entreprise. On ne sait jamais très bien ce sur quoi on va tomber. Il n'y avait pas une appréhension véritable. Je ne pense pas qu'ils nous auraient tués comme ça, mais on ne savait pas du tout si on allait pouvoir rester, par exemple. Mmh. Vous aviez l'idée que vous resteriez 3 ans, si c'était possible ? Non, pas du tout. On avait prévu de partir pour 2 ans, en espérant que ça allait marcher. Et en fait, nous avions un peu brûlé nos vaisseaux en partant, c'est-à-dire que dans ce voyage à pied, nous avions amené, je crois que c'était 1 kilo de riz et une petite marmite. En se disant, au moins, si on ne nous donne pas à manger... on pourra repartir après avoir consommé notre riz, mais sans savoir absolument l'accueil qu'on allait nous réserver. Alors vous allez nous raconter la vie que vous avez menée avec votre compagne, ethnologue Anne-Christine Taylor, dans la forêt amazonienne avec le peuple Achuar pendant 3 ans, l'anthropologue Philippe Descola est l'invité du Vent dans les Synapses cet après-midi sur France Inter. C'était super, bravo, il n'y a plus foule. France Inter, du vent dans les synapses. Oui, oui, oui, oui, oui. Des chants guerriers à Chouard. Je suis toujours en compagnie de l'anthropologue Philippe Descola qui est parti à la rencontre des Hachoirs, l'un des peuples jivaros. Vous avez vécu avec eux pendant 3 ans, Philippe Descola. Quel regard portait-il sur vous? Bah, c'est pour ça que nous avons pu passer 3 ans. C'est que, en fait, nous étions un objet de curiosité permanent. Et je pense que la distraction que nous fournissions était la raison essentielle, en tout cas dans les premiers temps, du fait que nous soyons acceptés sans trop de difficultés. Ouais, donc ils étaient curieux à votre égard. Bah, bien sûr. Ils vous étudiaient autant que l'inverse. Bien sûr. En plus, nous étions un couple. Donc ils nous observaient. Un peu comme un éthologue observe des animaux, puisque ils ne comprenaient pas la langue dans laquelle nous communiquions entre nous, et d'une certaine façon, ils repéraient dans nos attitudes et dans nos échanges et dans nos mimiques, nos comportements, des choses qu'ils connaissaient eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, lorsque nous nous disputions, par exemple, parce que ça nous arrivait, ça les amusait beaucoup, etc., etc. Donc, au fond, la clé de l'enquête ethnographique, c'est précisément le fait de partager en permanence la vie de la communauté au sein de laquelle on réside. Et donc, c'est une observation réciproque. Ils vous ont accepté rapidement? À quel moment vous êtes dit, c'est bon, on est adopté? Alors, adopté, je ne sais pas. Nous sommes retournés l'année dernière, par exemple. Et là, nous savons que nous avons été adoptés, parce que les petits-enfants des gens que nous avons connus, dont beaucoup sont morts, nous l'ont dit, que nous avions contribué à les faire connaître dans le monde entier. Ouais. Je rappelle que cette première rencontre dont nous parlons là, elle a eu lieu fin des années 70, il y a 40 ans. En 76. Ouais. Et je pense que véritablement le moment où nous avons été acceptés, en tout cas, c'est quand nous sommes revenus. Nous partions en général pour des périodes de 2 ou 3 mois. Et lorsque nous sommes revenus, la première fois, donc nous sommes revenus à Quito, la capitale de l'Équateur, pour nous reposer et nous soigner, parce que on a pas mal de petits bobos sur le terrain quand même. Et en fait, lorsque nous avions dit « nous allons revenir », ils n'en croyaient pas un mot. Et nous sommes revenus. Et c'est là qu'effectivement notre statut a changé. À partir de quand ils vous ont appelé le Saint Hurleur, en Hachoir, bien sûr, mais je ne parle pas à l'Hachoir, ce qui était plutôt, j'imagine, un signe, là encore, de cooptation? Alors, c'est Yakoum. Yakoum, c'est le Saint Hurleur, parce que j'avais la barbe un peu rousse à l'époque, et que le Saint Hurleur a une gorge proéminente avec cette espèce de barbe par-dessus. Et c'est par ailleurs un nom classique chez les Hachoirs. C'est une façon pour nous de nous naturaliser, si je puis dire. Ça. Alors, dans quel environnement vivent-ils? La forêt amazonienne, on a cette image de la forêt amazonienne, mais peut-être vous pouvez nous préciser dans quel décor ils évoluent. Alors, c'est une société qui, à l'époque, et pour certains encore à l'heure actuelle, vivait en habitat dispersé. Ça veut dire que il y avait des maisons soit isolées, soit des petits hameaux de 2 ou 3 maisons dispersés dans la forêt, avec un taux de densité démographique extrêmement bas, l'un des plus faibles au monde. On pouvait marcher pendant 2-3 jours pour aller d'une maison à une autre. Et ces maisons étaient situées au cœur d'un jardin. Alors un jardin, c'est donc une clairière artificiellement faite, qu'on appelle un essart, c'est-à-dire on abat la forêt, la végétation, on la fait brûler, et dans cette litière de cendres, on plante des plantes cultivées, domestiquées dans cette région depuis très longtemps, comme le manioc. Entre parenthèses, ça veut dire qu'on pratique la culture et pas uniquement la cueillette dans ces régions du globe. Sûr. La forêt amazonienne est une forêt largement anthropisée. L'homme absolument, y a eu des effets. Absolument. C'est-à-dire que cette technique de culture sur brûlis suppose non seulement que l'on plante des plantes qui ont été domestiquées depuis des milliers d'années, comme le manioc ou la patate douce, mais aussi des plantes qui sont transplantées de la forêt. Et donc, chaque jardin est un système d'agrobiodiversité d'une très très grande complexité, avec parfois jusqu'à une centaine d'espèces différentes, avec des variétés différentes. Et ce système fait que, comme on abandonne le jardin régulièrement, parce que la fertilité des sols décroît avec les années, peut-être pendant 5 ou 6 ans, on va le cultiver, ça veut dire que lorsque la forêt recolonise cette clairière, les plantes qui ont été transplantées de la forêt vont survivre plus facilement que les plantes domestiquées. Et si on envisage ce processus s'étendant sur plusieurs millénaires, ça veut dire que le taux de plantes utiles à l'homme a été artificiellement augmenté, si on peut dire, dans la forêt amazonienne. Alors, c'est pas la seule trace d'anthropisation, mais c'en est une très importante, qui veut dire que la composition floristique, si vous voulez, de la forêt, en réalité, est en grande partie le produit de l'action humaine. Ces écosystèmes ont été façonnés par les hommes qui y ont vécu. On peut dire ça. Moi, j'appelle ça des grands jardins. La forêt est un grand jardin. Alors, il y a des zones qui sont difficilement habitées, notamment celles où pousse le palmier d'eau, qui sont des dépressions inondées. Mais le reste a été profondément transformé. Mmh. Et alors, au milieu de chacune de ces clairières, il y a une grande maison. Et dans cette grande maison, il y a une famille étendue. Alors, c'est dans notre jargon d'ethnologue, famille étendue, ça veut dire un chef de famille avec plusieurs épouses. Ils sont polygames, ça peut aller jusqu'à, dans les cas les plus extrêmes, j'allais dire 6 ou 7. Donc de très nombreux enfants, des gendres qui sont résidents, et puis aussi des gens qu'on a recueillis, des veufs, des veuves, etc. Donc ça peut aller jusqu'à 50 ou 60 personnes. C'est vraiment des très grandes maisons. Et en période de guerre, plusieurs de ces maisons s'agrègent pour se protéger, et on construit une palissade tout autour de la maison, et là on a jusqu'à une centaine de personnes qui peuvent résider dans une maison. Mais c'est un habitat très dispersé, c'est ça qui est important de garder à l'esprit, c'est que quand on sort d'une maison, les humains sont rares. La première chose que l'on rencontre dès qu'on a franchi la lisière du jardin, c'est la forêt, et la forêt, on peut s'y immerger pendant des heures et des jours. Alors vous étiez, on l'a dit, avec votre épouse Anne-Christine Taylor, qui est également ethnologue. Voici ce qu'elle racontait de votre enquête de terrain, à peine quelques mois après votre retour en 1980, au micro de Gilles Lapouge. Évidemment, le fait de vivre en couple est à certains égards un avantage pour les ethnologues, dans la mesure où ce sont des sociétés en général où il y a une division sexuelle à la fois du travail, de la sociabilité, etc., qui est très marquée. Et un homme ethnologue seul, évidemment, n'a pas du tout accès au monde féminin. C'est-à-dire que moi, je vivais en grande partie avec les femmes, je travaillais avec les femmes dans les champs. Vous n'avez pas de trucs, ça ? Pas du tout. En revanche, l'horticulture, j'ai appris, qui est relativement simple, ouais. Techniquement, j'ai appris à peu près à dominer ces techniques. Donc, je pouvais travailler avec les champs dans les femmes, etc. Tout ce qui est culture, dont on parlait, ces jardins sont entretenus par les femmes. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, Philippe Descola, que votre femme n'a pas pu voir, et inversement ? Alors, le monde des hommes, c'est le monde de la chasse et le monde de la guerre. Le monde de la chasse, je l'ai en partie observé parce que au début, j'allais chasser avec des hommes. Qu'elle n'en était pas très heureux parce que j'étais maladroit, je faisais du bruit et je faisais fuir le gibier. Néanmoins, ils étaient assez généreux pour m'accueillir dans leurs expéditions de chasse et m'apprendre un petit peu quelque chose sur le comportement du gibier, parce que chasser, au fond, c'est pas d'atteindre un animal, c'est de le trouver. Donc j'ai appris un peu ça. La guerre, c'est un peu différent parce que j'ai circulé à une époque dans une région où il y avait un conflit très violent et où les Atchouars, avec qui nous avions formé véritablement une amitié, qui nous avaient accueillis en premier, nous ont dit « il n'est pas question que ta femme aille là-bas ». Donc je suis parti seul. Et là, c'est un monde un peu différent, c'est un monde plus âpre, disons, dans lequel, au fond, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. C'est intéressant, parce que vous avez effectivement noué des liens d'amitié avec certains d'entre eux. On parle d'amiques, je crois. Hein, c'est une sorte d'alliance que l'on crée à ce moment-là avec certains individus. Mais ce qui implique une certaine assistance, si jamais ils ont des ennemis, ça devient vos ennemis, il faut les défendre, les venger éventuellement s'il leur arrive du mal. Comment on trouve sa place dans ces relations sociales qui obéissent à des codes qui ne sont pas les vôtres, qui ne correspondent pas forcément à votre morale, ni même à des choses qui appartiennent à la légalité en France? Alors, le métier d'anthropologue, c'est de tout savoir, de tout apprendre, hein, y compris les choses qui sont illégales. Et donc, de ce fait, étant donné que les Atchouars étaient encore à l'époque assez guerriers, c'est-à-dire qu'il y avait de la vendetta en particulier, j'ai déployé beaucoup d'énergie pour ne pas être mêlé directement à des raids de vendetta. Cela dit, on est progressivement accepté sans que les choses se fassent de façon très rituelle, sauf pour le lien d'amitié que vous évoquiez il y a un moment. J'étais assez tôt sollicité par quelqu'un qui m'avait accueilli au fond dès le début pour être son ami rituel. Alors l'ami rituel, c'est intéressant, c'est une institution qui existe ailleurs en Amazonie et qui permet de franchir les frontières de la parenté. Parce que dans ce monde-là, la parenté joue un rôle central. On est soit un consanguin, et on a donc vis-à-vis des consanguins, donc des frères, des pères, et puis comme c'est classificatoire, ça s'étend aussi dans l'espace, vis-à-vis duquel on a des obligations un peu automatiques de protection, de défense, de solidarité. Et puis il y a les affins, c'est-à-dire les parents par alliance, et là aussi, ça s'étend dans l'espace. Et ce sont des gens avec qui on fait de la politique, d'une certaine façon, avec lesquels on peut, dans certains cas, s'allier pour former des coalitions, et qui peuvent devenir des ennemis. Et l'avantage de l'ami, c'est que c'est quelqu'un qui n'est ni un consanguin, ni un affin, et qui vous permet, par exemple, de vous déplacer dans l'espace et de vous accueillir comme s'il y avait une sorte de droit d'extraterritorialité. Donc vous pouvez aller chez des ennemis, chez votre ami, vous serez protégé. Hein, c'est une sorte comme une ambassade, en quelque sorte. Ah, vous aviez un peu une place à part, un peu protégée, en fait, c'est ce que vous nous dites. Les amis ont ce statut en général, et moi je l'avais grâce à mon ami. Et donc au fond, c'est un dispositif de protection que j'ai utilisé pour pouvoir voyager dans des endroits qui étaient très très éloignés de mon réseau initial de parenté. Et vous avez assisté parfois à des disputes, à des mises en accusation pour sorcellerie, hein, enfin, c'est ce que vous racontez dans votre ouvrage, à des rumeurs de guerre. Comment, face à tout ça, vous gardiez ces événements à distance ? C'est difficile. C'est pas tellement les rumeurs de guerre et les accusations de sorcellerie qui sont difficile, parce que, comme je l'ai dit, on parvient à ne pas intervenir directement. Ce qui est plus difficile, c'est des habitudes qui, à l'époque, étaient assez ancrées, notamment de la brutalité des maris vis-à-vis de leurs épouses. C'était pas toujours le cas, hein, c'était certains hommes, mais il nous était arrivé d'avoir à soigner des bleus et quelquefois une fracture même. Et c'était, au fond, les limites du relativisme. On peut très bien comprendre que, comme c'est une situation que nous avons vécue à plusieurs reprises, il n'y a pas de mort naturelle. Donc on est soit tué, soit on meurt de sorcellerie. Quelquefois on peut mourir des maladies des Blancs, mais c'est plus rare. Et lorsqu'on meurt de sorcellerie, très rapidement, dans l'espèce de veillée funéraire, où au lieu de commémorer le mort, on s'efforce d'éloigner la mémoire de ce qu'il a été, à ce moment-là, progressivement, les accusations commencent à surgir. Et là, c'est pathétique, c'est très émouvant. Et c'est très difficile, effectivement, d'intervenir en quoi que ce soit pour dire non, ce type-là, ce chaman que vous accusez, n'y est pour rien. Donc on est contraint, au fond, dans ce qu'on appelle l'observation participante, à quelquefois être des observateurs et de ne pas intervenir parce que, au fond, ce qu'on pourrait dire n'aurait guère de signification. Alors, vous vous êtes tout particulièrement intéressé au rapport qu'entretiennent les Atchouars avec leur environnement, avec les plantes, les animaux. Vous allez nous dire, Philippe Descola, en quoi leur conception et leur représentation du monde diffèrent des nôtres. Cry on its shoulder, 'cause life is hard. The way All of the guys tell me lies, but you don't. You just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Down at the training yard, cuts on his face 'cause he fought too hard, and now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold dear, forget the things they fear. This is how to disappear. This is how to disappear. C'était How to Disappear, Lana Del Rey. France Inter. Du vent dans les synapses. La chasse n'est pas un jeu de hasard. Elle est sélective. L'Indien respecte par nature tout ce qui bouge et tout ce qui vit. La proie n'est jamais sacrifiée par plaisir, mais pour nourrir une population. Le son de la flèche qui sort de la sarbacane, toujours en compagnie de l'anthropologue Philippe Descola. Philippe Descola, dans votre ouvrage Les Lances du Crépuscule, publié aux éditions Terre Humaine, vous racontez ces scènes de chasse auxquelles vous avez participé, hein, vous nous l'avez dit. Vous avez appris à utiliser ces oui, sarbacanes. Oui, c'est pas... Ce qui est compliqué, c'est de se déplacer dans la forêt avec cette arme qui fait jusqu'à presque 3 mètres de long. Et quand la forêt est un peu embrouillée, on se prend au liard, aux épiphytes, etc. Ça demande pas mal d'expérience. Ouais, hein. Tout le savoir-faire, hein, c'est ce que vous nous expliquiez. Déjà, c'est de savoir pas faire de bruit et savoir imiter certains animaux de la forêt pour justement tendre des pièges, en faire venir. Faut pouvoir imiter des prédateurs, par exemple, de façon à faire détaler les animaux qui sont la proie de ces prédateurs. Il faut être attentif à des indices extrêmement discrets, par exemple un papillon qui vole au pied d'un arbre, c'est parce qu'il est attiré par de l'urine, et donc ça permet de dater à peu près le moment où l'animal qui a uriné, en général un singe, si c'est au pied d'un arbre, est passé par là, etc., etc. Et en fait, un bon chasseur, c'est quelqu'un qui arrive à enchaîner ces indices de façon un peu comme nous conduisons, c'est-à-dire sans y réfléchir. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est que le savoir des enfants, par exemple, ou des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles, en termes de zoologie et d'éthologie, est extraordinaire. Hein. J'ai fait l'enquête assez souvent avec des garçons. Ils sont capables de nommer à peu près 300-400 espèces d'oiseaux, d'imiter leur chant, de dire ce qu'ils mangent, quelles sont leurs mœurs, etc. Mais on ne devient vraiment un bon chasseur que passé la quarantaine. Et comment les hachoirs considèrent-ils les animaux ? Là, on entre au cœur des questions que vous posiez en allant les voir, leur lien avec ce monde qui les entoure. Qu'est-ce que vous avez compris de ça ? Les animaux, ce sont des gens qui se prennent pour des humains. Et donc, il n'y a pas de raison de leur dénier cette illusion, si je puis dire. Alors, ça prend quelle forme ? Ça prend la forme d'incantations magiques que les hommes vont chanter aux animaux lorsqu'ils chassent, en général sotto voce ou mentalement, pour s'adresser directement à leur cœur. Ce sont des discours de l'âme qui s'adressent à l'âme de l'animal. Parce que l'animal, mais les plantes aussi d'ailleurs, beaucoup de plantes en tout cas, sont réputées avoir une âme qui est sensible, une subjectivité si on peut dire, à ce que les humains leur disent. Autrement dit, ils entrent dans une catégorie plus large que moi je traduirais en français par « personne ». Le terme en hachoir c'est « eins », c'est « personne » vraiment, c'est-à-dire des gens qui sont doués. Alors, vous voyez, je dis gens, de communication, de capacité à communiquer entre espèces et avec les humains, à recevoir des messages qu'on leur adresse et à s'adresser aux humains dans les rêves. Alors, on retrouve le lien avec les animaux dans les pratiques des chamans et les rites de guérison. Alors c'est un chant qui est adressé à l'esprit de l'anaconda et qui a la particularité d'être formulé selon une sorte de grammaire très particulière qui est propre au langage rituel chamanique, qui est en grande partie incompréhensible des patients notamment. Du rituel chamanique, et donc elle vise donc à soigner des maladies liées à la fièvre et à un ensorcellement par l'esprit de l'anaconda. Et dans ce rituel thérapeutique, on soigne donc le mal par le mal, en invoquant à travers la voix de l'anaconda, et en mettant en quelque sorte le patient en présence de cet esprit, à travers la voix métamorphosée du chaman, on cherche donc à le guérir de cette capture, de cet ensorcellement par les esprits aquatiques. La voix d'Andrea Luz Gutierrez-Choquevilca, qui est anthropologue à l'EPHE. Elle était au micro d'Antoine Beauchamp dans la méthode scientifique sur France Culture. On retrouve cette façon de s'adresser à l'esprit d'un animal, de l'anaconda. C'est présent dans bien des aspects de leur culture, Philippe Descola. Oui, bien sûr. Au fond, la différence qu'il y a entre le chaman et l'homme ordinaire, disons, mais aussi la femme ordinaire qui chante ses incantations à ses plantes cultivées, au manioc, à la patate douce, etc., c'est que l'homme ordinaire fait ça de façon séquentielle. Il va s'adresser à l'esprit qui veille sur les singes, par exemple, de façon à lui demander à ce qu'il libère quelques-uns de ses enfants ou de son troupeau. C'est un peu comme ça que c'est vu, hein, comme si c'était des animaux domestiques, des esprits, de façon à ce qu'ils puissent chasser. Ou bien il va s'adresser directement à l'âme du singe laineux pour lui demander de venir à sa rencontre, etc. Ce que fait le chaman, c'est qu'il a une maîtrise plus accomplie de cette façon de communiquer avec les esprits et qui peut mobiliser lors des cures un très grand nombre d'esprits qu'il fait agir simultanément. Et donc il se donne les moyens par ce biais, de pouvoir guérir ce qui, en général, et ça c'est caractéristique de toute l'Amazonie, Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca a travaillé chez les Runa, c'est-à-dire chez les gens qui parlent quechua, qui sont des voisins des Achuar, et aussi chez les Achuar, donc c'est la chose est commune dans les deux cas, mais à l'échelle de l'Amazonie, on tue les animaux, et évidemment les animaux se vengent. Même si ce sont des personnes avec qui on communique, mais qu'on finit par tuer pour les manger. D'une certaine façon, on fait ça avec les ennemis aussi. Et donc, ils se vengent. Ils se vengent comment? Eh bien, quand on les mange, si on ne les décontamine pas, si on leur retire pas leur subjectivité, d'une certaine façon, ce qui les fait comme des humains, eh bien, on devient malade. C'est vraiment la subjectivité de type humain que les animaux portent en eux et qui, si on n'y prend pas garde, vous rend malade. Alors là, ce que l'on entend dans ces quelques exemples que vous nous donnez, c'est ce qui a ensuite nourri votre réflexion, Philippe Descola, cette idée que dans ces cultures-là, dans ces sociétés, il n'y a pas vraiment de distinction entre les humains d'un côté et le reste de la nature de l'autre. En fait, cette notion de nature n'existe pas vraiment. Il y a des connexions permanentes entre le monde humain et le monde des non-humains. Et finalement, ce que ça nous renvoie sur notre propre culture à nous, c'est que la nature est une fabrication. Oui, c'est ce qui m'a frappé sur le terrain. Et lorsque je suis revenu en France et que je me suis fixé, après avoir rédigé ma thèse sur les usages de la nature, précisément de ce que j'appelais la socialisation de la nature chez les Achuar, c'était d'essayer de comprendre ce mystère, au fond, non pas que nous présentaient les Achuar, mais que nous présentaient nous, les modernes, en inventant cette fiction d'une totalité extérieure aux humains, alors que partout ailleurs dans le monde, les liens entre humains et non-humains se donnaient, non pas toujours sous les aspects de la continuité, mais les discontinuités ne passaient pas là où nous les mettions, nous. Chez les Achuar et en général dans le monde amazonien, dans les populations que j'ai appelées animistes, il y a une continuité de au fond des fonctions morales et cognitives, la subjectivité. Les humains, les plantes sont des personnes, comme je l'ai dit, mais en même temps elles ont des dispositions physiques qui leur sont propres à chaque espèce et qui leur font habiter le monde à leur manière. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une inversion complète de ce que j'ai appelé ensuite le naturalisme, qui est notre propre façon moderne de voir les choses, dans laquelle, au contraire, les humains font partie de la nature comme des éléments physiques, hein, ils ont les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre animal, mais en même temps, ils se distinguent de tout le reste par leur intériorité, par leur esprit, par leur fonction cognitive et morale. Et donc, on a une sorte d'inversion entre l'Amazonie et le monde moderne, qui a commencé à développer ses idées, disons, à partir de l'âge classique, qui était, pour moi, très féconde comme moyen de faire de la comparaison. Oui. Que deviennent les Achuar aujourd'hui? Leur représentation du monde ont-elles évolué au contact des Occidentaux? Vous allez nous le dire, Philippe Descola, dans un instant. This funky bar, and I stepped outside. In the evening, c'était Paul Simon sur France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Je crois que dans la vocation personnelle de beaucoup d'ethnographes, il y a à l'origine une espèce d'incompatibilité d'humeur entre lui-même et le groupe social où il est né, et précisément un effort pour arriver à le mieux comprendre, pour pouvoir d'ailleurs mieux l'accepter, mieux y prendre sa place, et que le rôle de son séjour dans des sociétés extrêmement différentes de la sienne propre, c'est précisément d'acquérir vis-à-vis de son propre groupe cet état d'objectivité qu'il est impossible d'obtenir quand on n'en est jamais sorti. À nouveau la voix de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Que pensez-vous de cette idée, Philippe Descola? Les ethnologues sont des êtres mal adaptés à leur propre société. C'est ce qui les pousse à aller voir ailleurs comment d'autres communautés humaines vivent. Ah, tout à fait, c'est tout à fait juste, bien sûr. Je pense que c'est la base même de la vocation de l'ethnologue, c'est le fait d'être légèrement à l'écart, un peu à côté, jetant sur son monde propre un regard critique ou perplexe, et qui transporte cette attitude très loin dans d'autres civilisations, où il n'est pas mieux adapté d'ailleurs. Ouais. Et de la sorte, il devient un passeur, un homme entre les mondes, qui est constamment dans une attitude de questionnement, d'interrogation. Mais ce que dit Lévi-Strauss, et qui est très important, c'est que au retour, en effet, les défauts, les caractéristiques d'abord et les défauts ensuite du monde dans lequel on a été élevé, qui avait pu évidemment vous paraître relativement évidente auparavant, vous saute au visage avec une brutalité absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous rentrez en France, vous voyez toutes les aberrations de notre société. Oui, bien sûr. C'était la plus simple et la plus forte, d'une certaine façon. C'est une société dans laquelle il n'y a pas d'État. Il n'y a pas, au fond, de vie villageoise même, puisque c'est une société d'habitat dispersé, où il n'y a pas d'organes de contrôle. Et lorsqu'on le revient, on est frappé par la multiplication des contraintes à l'intérieur desquelles on vit. Mais ce qui est encore plus frappant peut-être, c'est la multiplication des objets. Lorsque nous étions sur le terrain, nous vivions avec très peu de choses, et ça ne m'a jamais manqué. S'il y avait des choses qui me manquaient, c'était la peinture, c'était la musique, et j'avais des livres, mais j'en aurais voulu plus à l'occasion. Du moment qu'on avait, un toit sur la tête pour nous protéger du soleil et de la pluie, une rivière pour se laver et de quoi manger, on était parfaitement satisfait. Mmh. Et puis je reviens ici, et là, qu'est-ce que je vois ? Une avalanche monstrueuse de biens de consommation entre lesquels on est sommé d'avoir à choisir, quand consommateur rationnel. C'est ça qui était absolument insupportable et qui m'est toujours resté insupportable d'ailleurs. Ouais. Quel regard les Achuar ont-ils porté par la suite sur votre travail? Je crois que eux n'avaient pas vraiment enregistré leur histoire. C'est-à-dire que très vite le temps passe, on ne se raconte pas ce qu'était notre grand-père, notre arrière-grand-père. Vous avez un peu fait office d'historien. Oui, il n'y a pas de mémoire généalogique. Hein. Quelquefois, on ne sait pas le nom de son grand-père. Et alors, je l'ai dit, nous sommes revenus l'année dernière, et là, nous avons été admirablement accueillis parce que nous n'étions pas revenus depuis quelques années. Et les Hatchoirs nous ont dit véritablement que, au fond, la notoriété qu'ils avaient pu acquérir était en partie le fait de nos publications, parce que nos travaux ont été traduits en espagnol. Ils sont donc lus par les jeunes Hatchoirs qui, maintenant, ont fait des études secondaires, voire universitaires. Et pour conclure sur une anecdote, il y a eu des troubles assez violents en Équateur il y a un peu plus d'un mois, qui était lié à l'augmentation des prix de l'essence. Et ça s'est résolu lorsque le président de la Confédération des Amérindiens d'Équateur est venu discuter avec le président de la République. Eh bien, cet homme, Jaime Vargas, c'est un jeune Hatchoir que nous avons connu lorsqu'il était, qui avait 7 ou 8 ans, et qui maintenant est devenu le personnage politique, en tout cas, le plus puissant dans l'opposition en Équateur. Donc, on mesure à travers cette expérience personnelle de ce personnage qui, par ailleurs, parle exactement comme son grand-père, c'est-à-dire avec la vigueur, la force, la volonté de persuasion des grands guerriers Hatchoirs, et qui en même temps est quelqu'un qui voyage dans le monde entier pour représenter non pas simplement les Hatchoirs, mais l'ensemble des Amérindiens d'Équateur qui sont très nombreux. Alors maintenant que leurs liens avec le reste du monde sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient il y a une quarantaine d'années, leur représentation du monde, justement ce lien avec la nature que vous avez étudié, est-ce que leurs représentations ont évolué ? Alors, c'est difficile de répondre simplement à la question parce que lorsqu'ils en parlent vis-à-vis d'étrangers, en espagnol par exemple, et pour certains d'entre eux maintenant en anglais, ils le font en utilisant des mots qui sont ceux qui traînent un peu partout, des ONG, des voyageurs qui sont à la recherche d'une sorte de mysticisme, d'authenticité qu'ils voient dans le chamanisme amérindien par exemple. Et donc ça a décalé hein, d'une certaine façon le discours qu'ils peuvent tenir vers un discours plus convenu. Cela dit, lorsqu'on parle dans leur langue et qu'on aborde ces questions, les choses ont très peu changé. Et ce qui a peu changé en plus, c'est qu'ils ont mis au service de leur désir d'émancipation et de reconnaissance en particulier légale de leur territoire, des valeurs qui sont très très différentes des nôtres et qui sont d'ailleurs très très difficiles de ce fait à comprendre par les gouvernements auxquels ils s'opposent et par les grandes compagnies qui cherchent à occuper une partie de leur territoire. Est-ce que nous devrions nous en inspirer face aux défis auxquels nous sommes confrontés? Je pense au changement climatique, à la chute, à la baisse de la biodiversité. Est-ce qu'ils ont des choses à nous apprendre? Ils ont des choses à nous apprendre, mais comme une stimulation plutôt que comme une transposition. Rien n'est transposable historiquement. La situation à Paris, à New York ou dans les favelas de Rio même, où il y a d'ailleurs pas mal d'Indiens, est très très différente de celle des Hatchoirs il y a 40 ans. Ce qu'ils peuvent nous indiquer, c'est un certain type de rapport à la Terre, un certain type de rapport au non-humain, qui n'est pas directement un rapport de séparation et d'exploitation, comme si c'était des ressources, comme si c'était des objets que l'on peut consommer. Et ça, au fond, c'est une attitude un peu plus générale qu'on trouve dans d'autres régions du monde aussi, et dont nous serions bien inspirés de nous en inspirer, justement. Merci Philippe Descola. Votre dernier ouvrage s'intitule « La nature domestique ». Alors c'est votre dernier ouvrage, mais en fait c'est la réédition du texte de votre thèse que vous aviez soutenu au début des années 1980. Donc c'est vraiment un texte pour les universitaires, édité par la Maison des Sciences de l'Homme. Et puis pour en savoir plus sur votre travail de terrain, il y a toujours « Les Lances du Crépuscule » aux éditions Terre Humaine. Là c'est accessible à tous. Nous allons mettre toutes les références sur la page du Vent dans les Synapses sur France Inter.fr. Un grand merci à vous, Philippe Descola. Merci de m'inviter. Et à samedi prochain pour de nouvelles découvertes. Dans un instant, la preuve par Z de Jean-François Zigel.